cette réalité que chacun est totalement égoïste. Chacun sa merde, chacun ses vices. Il faudrait remettre de l'ordre dans nos vies. On devrait être jugé, ensuite sur le bûcher. Je veux devenir démoniaque pour que je passe à l'attaque, pour que je passe à l'attaque. J'aimerais être un démon pour vous faire souffrir. J'aimerais être un démon pour vous faire mourir. J'aimerais être un démon pour vous torturer. J'aimerais être un démon pour vous faire pleurer. J'aimerais être un démon pour vous exécuter. J'aimerais être un démon pour vous décapiter. J'aimerais être un démon pour vous enterrer. J'aimerais être un démon pour vous oublier. Mais où est passée ma morale? Mais où est passée ma morale? Je suis